Chapitre 19e. Vous n'avez pas encore assez de ce pays, suggéra timidement un monsieur assis dans une chambre d'hôtel qui donnait sur la cataracte du Niagara. La magnifique nappe d'eau tombait sous ses yeux avec ce bruit de tonnerre qui fait au loin trembler le sol. La poussière diamantée s'élevait au-dessus du courant rapide, et les rayons du soleil y formaient un arc-en-ciel mouvant. Tout cela avait l'air d'une féerie, mais il y a des gens qui n'aiment les féeries qu'au théâtre. La dame à laquelle il s'adressait se retourna brusquement. « Où voulez-vous que nous allions ? » dit-elle d'un ton sec. « Est-ce que l'Amérique n'est pas toujours l'Amérique ? Ici ou ailleurs, ça sera la même chose. » « Mais, continua le monsieur avec plus de timidité encore, si nous quittions l'Amérique. » La jeune femme haussa les épaules. « Pour l'Océanie, n'est-ce pas ? Emmener une troupe chez les Polynésiens ? Pour leur faire goûter les charmes de la cagnotte ou du chapeau de paille d'Italie ? Non, Rose, pas l'Océanie, bien entendu. Je n'ai rien dit de pareil, mais l'Europe, Paris. Ce joli petit Paris que nous aimons tant, Rose, voilà 3 ans et demi que ma famille croit que je voyage pour mon plaisir. » Vous savez bien que ce n'est pas pour mon plaisir, ma petite Rose, hein. Ce n'est pas d'être avec vous qui n'est pas drôle, car vous savez bien que je vous aime. Il faut que je vous aime joliment pour voyager comme ça depuis si longtemps. Je ne vous ai pas dit assez de fois de vous en aller, fit Rose avec humeur. Je le sais bien, et je suis partie assez de fois, seulement je suis toujours revenue. Je ne sais pas ce que vous avez pour qu'on vous aime comme ça, ma parole d'honneur. Rose sourit d'un air de triomphe, sa vanité la dominait plus que jamais. « Mon pauvre Saint-Chet, dit-elle, vous n'avez pas de caractère, voilà votre malheur. Mais j'aime encore mieux ça que les hommes qui ont du caractère. » Elle fronça les sourcils, comme si quelques pensées désagréables traversaient son esprit. Elle était toujours jolie, mais son air dur s'était accentué. Ses traits, toujours réguliers, s'étaient amincis et, pour ainsi dire, aiguisés. Ses manières autrefois très correctes avaient pris un laisser-aller de mauvais goût. « Ce n'est pas une raison, tout ça, reprit Saint-Chet. Pour ne pas retourner à Paris. Retournez-y tout seul, puisque vous y tenez tant. Et vous, pourquoi tenez-vous tant à ne pas y aller ? Rétorqua le brave garçon. Parce que je n'ai pas envie de retomber entre les griffes de mon mari, fit Rose en le regardant d'un air de défi. Si vous croyez qu'il se souvient de vous alors qu'il est. Je lui ai laissé de bonnes raisons pour ne pas m'oublier, murmura Rose. Il est peut-être mort seulement. S'il est mort, il y a probablement longtemps. Reprit la jeune femme d'un ton soucieux. « Raison de plus !» insista Saint-Chet, qui tenait à ses idées, en général peu nombreuses, mais solides. Rose se mit à marcher de long en large dans la vaste chambre de l'hôtel américain, comme autrefois dans le petit salon de Chartres. Saint-Chet la suivait des yeux avec l'air soumis, craintif et ennuyé d'un enfant qui va essuyer une réprimande. Tout à coup, elle s'arrêta devant lui. « Pourquoi m'avez-vous parlé de ces choses ?» dit-elle d'un ton plutôt triste qu'irrité. « Je n'aime pas me souvenir de ce temps-là qui est passé, bien passé, heureusement. Et puis il y a autre chose. Après tout, je ne vois pas pourquoi je vous en ferai éternellement mystère. Vous rappelez-vous la lettre que je vous écrivis pour vous dire de venir me rejoindre en Angleterre ?»« Oui, » répondit Saint-Chet. « Pas compromettant, le télégramme. Il fallait vraiment avoir envie de le comprendre pour savoir que c'était vous. Mais j'ai compris tout de suite. » Je vous ai dit que je me cachais parce que mon mari était en colère contre moi et voulait m'empêcher de retourner au théâtre. C'était vrai, et la raison était suffisante pour que j'eusse envie de me cacher. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Enfin, tant pis, je le dirai tout de même. C'est que, comme il voulait me retenir, je lui avais donné un coup de couteau. De couteau ? Répéta Saint-Chet, effaré, ses bons gros yeux ronds fixés sur son ami. De stylet, si vous aimez mieux. Je ne crois pas qu'il en soit mort. Parce que je l'aurais su par les journaux. Les circonstances de cet accident étaient de nature à faire du bruit dans le monde. Mais vous comprenez bien que je n'avais pas la moindre envie de me faire attraper et de passer en prison les plus beaux jours de ma jeunesse. Est-ce qu'il avait porté plainte ? Demanda Saint-Chet. Je n'en sais rien du tout, vous dis-je. Mais avez-vous quelque motif de le croire ? Rose réfléchit un instant avant de répondre. Non, je ne crois pas, dit-elle à contre-cœur. Maintenant, je suis presque sûr qu'il ne l'a pas fait. Et dans le temps, vous n'en étiez pas sûr. Dans le temps, je n'en savais rien du tout. Je ne comprenais pas le caractère de cet homme-là, mais pas du tout. Depuis, j'en ai vu tant d'autres qui ne le valaient pas. Saint-Chet fit une moue boudeuse comme un enfant qui va pleurer. « Voyons, pas d'enfantillage, » reprit vivement Rose. « Vous êtes un bon garçon, vous. Vous n'avez pas trop d'esprit, non. On ne peut pas vous reprocher ça, mais... Par le cœur ? Vous valez n'importe qui. Vous m'avez été dévoué comme un caniche, et bien peu d'hommes en auraient fait autant. » L'ami de Rose recouvra immédiatement sa sérénité. « Vous êtes bien gentil, dit-il, et je vous aime bien. Mais depuis si longtemps, croyez-vous que tout ne soit pas oublié? Vous avez changé de nom, pour plus de sûreté. Nous avons parcouru tous les États-Unis, j'ai même appris l'anglais, ce qui est assez drôle, car je me figurais le savoir. Ma famille avait payé assez cher pour ça, toujours, et en réalité, je ne savais rien du tout. On me comprenait assez bien en Angleterre, mais ici, plus rien. Enfin, c'est très bien l'Amérique, mais 3 ans d'Amérique, Rose, il me semble, qu'en voilà assez pour la vie d'un homme. » « Je n'ai rien à vous répondre là-dessus, dit-elle sèchement. Je ne veux pas retourner en France. Voilà mon dernier mot. » Elle sortit sur cette parole peu consolante et descendit dans le jardin de l'hôtel où l'attendait un groupe d'admirateurs enthousiastes. Sacha alluma un cigare et s'assit tout près de la fenêtre d'où il pouvait la voir aller venir. Tout en envoyant vers le ciel des spirales de fumée bleue, il se mit à réfléchir à sa singulière destinée. Depuis le souper chez le doyen, depuis l'heure où il avait reconduit Rose en voiture à son chalet, sa vie avait changé du tout au tout. Le surlendemain de ce souper, pendant qu'il montait son escalier en méditant tristement sur l'instabilité des joies humaines, son concierge avait couru après lui pour lui remettre une dépêche. « C'est bien sûr un ami dans la Dévenne qui me dit de lui envoyer de l'argent. » avait pensé le brave garçon que son excellent cœur rendait souvent victime de telles demandes. Il décacheta l'enveloppe d'un air ennuyé et lut ces mots qu'ils remplirent de stupéfaction. « Venez me rejoindre à Londres, Hôtel X. Demandez Mademoiselle Loret, en mémoire du souper de mardi. » Cela avait l'air d'une mystification. Cependant, le souper de mardi indiquait Rose. Londres est un endroit où l'on peut se rendre en quittant la Belgique. Et si c'était une mystification, après tout, le voyage n'était ni long ni difficile. Il en serait quitte pour une promenade dans un pays qu'il connaissait pour y avoir été contempler les courses les plus célèbres de l'univers. Il partit donc, et trouva à l'adresse indiquée Rose Rosier, très pâle, très nerveuse, se plaignant de courbatures et de lassitude, chose qu'elle attribuait à son voyage rapide et aux émotions qui l'avaient accompagnée. Elle lui donna d'ailleurs peu d'explications. « Je ne reverrai jamais mon mari, lui dit-elle. Il refuse de me rendre ma liberté, je la prends. Il n'y a plus de Madame André. » « Rose Rosier forever !» s'écria Saint-Chet, enthousiasmé par ces nouvelles et par la chance de pouvoir s'épancher en anglais. « Pas de Rose Rosier du tout, » interrompit vivement la jeune femme. « Ce serait une singulière façon de garder l'anonyme. Mademoiselle Loret, s'il vous plaît, et nous partons pour l'Amérique. »« L'Amérique ?» murmura Saint-Chet avec quelques regrets. « C'est que je suis sujet au mal de mer. »« Eh bien, restez ici, mon cher, » repartit Rose avec un mépris écrasant. « Sans vous, jamais. Vous ne savez donc pas que je vous adore. » « Si je ne le savais pas, je ne vous aurais pas écrit de venir dans la circonstance la plus pénible de ma vie, » répondit la jeune femme avec un sourire enchanteur. Elle était presque de bonne foi avec elle-même. En ce moment où elle avait besoin d'un ami, elle éprouvait pour Saint-Chet une affection véritable. C'est ainsi que l'excellent garçon traversa l'Atlantique, supporta le mal de mer avec aussi peu d'héroïsme que possible, et débarqua dans le Nouveau Monde, où jamais il n'avait pensé se trouver. Les voyageurs n'avaient pas de projet. Rose voulait quitter l'Europe à tout prix. Le reste importait peu. Ils vécurent heureux pendant quelques semaines en visitant le pays. Puis, un beau jour, la nostalgie du théâtre reprit Rose. Une troupe française, de passage à Québec, ayant perdu sa jeune première, Rose s'offrit pour la remplacer, eut un succès immense, et depuis ce moment ne songea plus qu'à l'ivresse que lui donnaient les applaudissements. « Quel besoin avez-vous de cela ?» lui disait souvent Saint-Chet. « Est-ce que je ne suis pas assez riche pour deux ?» Mais ce n'était pas l'argent que recherchait Rose. C'était le triomphe de la scène. La louange exagérée des masses, les rappels furieux, les bouquets énormes. Auprès de ces émotions enivrantes, le reste était bien peu de chose. De son côté, Saint-Chet se résigna facilement à partager cette vie fiévreuse, dont sa nature placide ne lui laissait prendre que la superficie légère et excitante comme la mousse du vin de champagne. C'est ainsi que, de ville en ville, de brouille en raccommodement, ils vécurent 3 ans. Environ toutes les 6 semaines, le jeune homme proposait le retour en Europe et régulièrement voyait sa demande repoussée. Depuis quelque temps néanmoins, il insistait davantage et une résolution encore à l'état embryonnaire se formait lentement dans son cerveau. « S'il ne veut pas revenir, se disait-il, eh bien, tant pis, je reviendrai sans elle. » mais entre une telle menace et son exécution, un temps considérable pouvait encore s'écouler. Et c'est pour cela que Saint-Cher regardait dans le jardin d'un air perplexe, se demandant comment et quand tout cela finirait. Rose causait d'un air enjoué avec ses adorateurs américains. Leur français ne l'effrayait pas, pas plus qu'elle ne les effrayait avec son anglais. Dans la langue des louanges profuses, on s'entend toujours à merveille. Et les remerciements s'expriment à peu près de la même façon dans les idiomes les plus divers, grâce au regard et au sourire. Saint-Cher n'était pas jaloux. D'abord, il eut perdu son temps et sa peine, car si Rose avait pensé le tenir par là, elle ne se fût pas fait faute de le taquiner sans pitié. Mais, de plus, son tempérament d'homme aimable, bon et paresseux, lui ôtait toute velléité de troubler sa propre existence ou celle des autres, de quelque façon que ce fût. Il regardait donc son amie avec beaucoup de tranquillité. Elle riait, montrant ses dents blanches et faisait la coquette avec beaucoup de grâce. Le jardin commençait à se joncher de feuilles mortes, mais les rosiers remontants étaient encore chargés de fleurs superbes. Derrière l'autel, le mugissement de la cataracte semblait un orage déjà proche. Mais les causeurs n'y prenaient pas garde et se contentaient d'élever la voix plus que de coutume. Un garçon apporta sur un plateau un énorme tas de journaux. « Le courrier d'Europe !» cria une voix au milieu du groupe. Aussitôt, chacun s'envola vers le perron pour recevoir sa correspondance. Rose se trouva tout à coup seule. Un frémissement de colère parcourut tout son corps. Elle ne recevait pas de lettres d'Europe, elle. Aucune affaire de cœur ni d'intérêt ne la rattachait au vieux monde, comme disent les Américains. Saint-Cher avait disparu de la fenêtre. Comme les autres, il avait couru au courrier. Rose leva la tête vers la fenêtre, constata l'absence de son ami, et avec un mouvement de rage, fouilla fiévreusement dans le monceau d'imprimés pour y trouver, elle aussi, des nouvelles d'Europe. Elle mit la main sur le temps, l'ouvrit, le parcourut du regard, cherchant quelques faits divers qui lui parla de la vie mondaine. Rien de semblable ne s'y trouvait. Elle alla aux nouvelles judiciaires, ordinairement intéressantes et pour lesquelles, depuis sa fuite, elle se sentait une sorte de prédilection inquiète. Elle lut et resta immobile, comme frappée de la foudre. C'est le 14 octobre prochain que passera devant les assises de la Seine l'affaire de Juste André, accusé d'avoir assassiné il y a 3 ans passés, dans un village de Belgique, sa femme, connue sous le nom de Rose Rosier. Le plus grand intérêt s'attache à cette cause, qui, vu l'obscurité des faits principaux, promet de devenir une cause célèbre. Le Niagara continuait à tomber avec son bruit de tonnerre, et Rose ne l'entendait pas. Au milieu du gravier éclairé par un brillant soleil d'automne, elle avait maintenant sous les yeux le triste plateau de Dauphrigny, éclairé par la sinistre lueur du soleil couchant caché sous d'épais nuages. Elle y voyait la silhouette élégante de son mari se dessiner sur le ciel d'orage. Elle l'entendait lui parler avec colère. Soudain, elle fit un mouvement pour se dégager, et il lui sembla sentir son bras saisi par la main de l'époux indigné. Elle frissonna au souvenir du coup de stylet, comme si c'était dans sa propre poitrine que l'arme se fût enfoncée, et une pensée surgit devant elle, terrible comme un spectre. C'est elle qui avait frappé, c'est André qu'elle est passée devant la justice des hommes, si prompte à condamner, si lente à réhabiliter. « Mais c'est une infamie !» s'écria-t-elle en se levant. Elle resta indécise un instant, le cerveau plein d'idées tourbillonnantes, puis elle prit sa résolution et marcha d'un pas rapide vers l'hôtel. Sur le perron, elle rencontra Saint-Cher, qui revenait les mains vides, assez désappointé de n'avoir rien reçu. Elle l'arrêta d'un geste impérieux. « Quel jour sommes-nous » demanda-t-elle. « Lundi, » répondit-il bonnement. Elle fit un geste d'impatience. « Quel jour du mois ? Aujourd'hui ? Attendez, c'est le 31. Non, le 30 septembre. »« Le 30, déjà ?» fit Rose avec un geste douloureux. « Enfin, ne perdons pas une minute, réglez les comptes, faites votre mal et partons. Pour où ? Pour Paris. »« Ah !» s'écria Saint-Cher dans un accent de tendresse enthousiaste. « Je savais bien que vous étiez la meilleure créature du monde. » « Et que vous finiriez par avoir pitié de mon ennui. »« Il s'agit bien de votre ennui. » fit Rose en l'écartant d'un geste dédaigneux. « Qu'y a-t-il alors ?» demanda Saint-Cher ébahi. « Il y a qu'on accuse André de m'avoir assassiné, » dit Rose, qui pendant ce temps avait déjà monté l'escalier et refermé la porte de sa chambre. Elle tira sa malle à elle et commença à y empiler fiévreusement ses effets. « Vous, il vous aurait assassiné ?» répéta le brave garçon d'abord surpris. Puis, trouvant la chose très comique, il éclata de rire. « Vous, assassinée, elle est bien bonne. »« Oui, oui, » fit Rose avec humeur, « nous savons cela. Mais en attendant, s'il est condamné, croyez-vous que ce sera juste ? Ah, par exemple, non, fit Saint-Chais, dont la figure commence à s'allonger. Eh bien ? Eh bien, nous allons aller voir un peu comment ça se passe là-bas. Et s'il est condamné pour m'avoir tué, ce sera drôle. Saint-Chais resta une seconde immobile, ne comprenant pas très bien ce qui se passait en lui-même. Puis tout à coup il sauta au cou de Rose, creusant par là un grand trou au milieu du monceau de robe qu'elle venait de déposer sur le tapis. « Eh bien, vous savez, Rose, » conclut-il en se dépêtrant de son mieux des rubans et des dentelles enlacées à ses jambes, « j'en suis pour ce que j'ai dit, vous êtes la meilleure fille du monde. » « Pas si bonne, » murmura-t-elle en activant sa besogne. « Mais enfin, on verra. » Saint-Chais se promena un instant sans rien dire, puis se tourna vers Rose d'un air tragique. « Rose, » dit-il d'un ton grave. « Eh bien, » fit-elle sans prendre la peine de le regarder, « si votre mari allait se réconcilier avec vous ?»« C'est cela qui m'étonnerait, » dit-elle en continuant à enfuir pêle-mêle les objets de toilette les moins faits pour se rencontrer. « Mais enfin !»« Eh, mon ami, laissez là les suppositions !» Sommes-nous sûrs seulement d'arriver à temps ? Saint-Chais resta silencieux. Il n'avait pas envie d'approfondir cette éventualité, de crainte que Rose ne se ravisât et ne voulût rester en Amérique. S'il était déjà condamné, continua Rose, ce serait difficile d'obtenir une réhabilitation, du moins je me le suis laissé dire. C'est ça qui me ferait une singulière position. Enfin, partons vite. Quand y a-t-il un train ? Dans une demi-heure. Fort bien, faites enlever ces malles et partons. Ils furent bientôt à la gare. Leur billet pris, ils montèrent en wagon, et le train s'ébranla. Tout à coup, Saint-Chais bondit dans son fauteuil. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» demanda Rose, impatientée. « Vous deviez jouer ce soir » répondit-il d'un air consterné. « Tiens, c'est vrai » fit-elle en se renversant en arrière pour rire à gorge déployée. Saint-Chais, qui avait une notion du devoir plus développée, resta un moment aussi bouleversé que s'il eût été lui-même le délinquant, puis reprenant son parti. « Ah, pour celle-là, elle est bien bonne !» dit-il, et les deux amis furent pris d'un fou rire, pendant que le train les emportait à toute vapeur vers l'océan.